Excusez, on va commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, je disais ce matin que tu es la lumière du monde, celle qui éclaire le cœur humain et celle qui révèle la personne de Dieu. On te prie que pendant ces quelques instants qu'on est ensemble, qu'on puisse mieux comprendre qui tu es, ce que tu veux, ce que tu t'attends de nous. Garde-nous de vouloir performer, mais qu'on puisse faire toutes choses pour ta gloire. Faire toutes choses parce que tu le mérites, tu en es digne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant qu'on aille plus loin, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions par rapport aux veuves, les véritablement veuves? J'ai eu des petites questions cette semaine, c'était pas clair peut-être pour tout le monde. Je me dis peut-être qu'on pourrait clarifier ce que vous voulez savoir. Je parlais de ça avec Gaétan, je sais qu'il lui est Dieu de compagnie. Peut-être que vous avez tout compris, vous autres. Mais on parlait de ça au café mercredi. Non, vendredi, c'est pas ça. Vendredi, pas mercredi. Mais il y a trois sortes de veuves dans ce chapitre-là. Il y a les veuves que leur famille prend soin d'eux. Les enfants, petits-enfants, leur famille prend soin, puis les autres, ils restent avec leur famille, puis ils continuent leur vie chrétienne là, avec les petits-enfants et les enfants, ou avec des frères et sœurs qui vont en prendre soin chez eux, d'une façon quelconque. Il y avait aussi les veuves qui vivaient dans la volupté, dans les plaisirs du monde, et qui se sont finalement détournés de la foi et qui ont suivi Satan. Ils se sont détournés, c'est marqué, ils ont délaissé Jésus. C'était aussi des veuves, mais les véritablement veuves, eux autres, c'est les veuves qui ont décidé de rester seules pour servir le Seigneur. Okay? Ils ont décidé par eux-mêmes de rester seules et de s'occuper à servir le Seigneur. Et ceux-là, l'Église va les assister. Donc, ils assistent spirituellement, mais ils assistent aussi financièrement. Mais ce qu'on faut faire, faut bien remarquer que dans toutes les occasions qu'on a vues, autant les évêques que les diacres serviteurs, que les veuves, quand tu deviens évêque, tu ne changes pas ta vie. La vie que tu faisais avant t'amène vers ce travail-là. Si tu ne vivais pas ça avant, tu ne le feras pas plus après. Si tu étais une veuve qui ne servait pas Dieu, qui n'aimait pas Dieu avant, ben, pas à cause de ton mari meurt, tu vas commencer à le servir. Okay? C'est pas de même que ça marche. Puis la femme, son mari meurt parce qu'elle s'en va dans la volupté, dans les plaisirs, c'est parce que dans sa tête, à quelque part, ça marchait comme ça. On va en parler un petit peu tout à l'heure, quand il va parler que les péchés de certains ne sont pas visibles tout de suite, mais ils se manifestent avec le temps. Donc, peut-être de ces personnes-là qui avaient des problèmes, quand le mari meurt, ils vont laisser sortir des véritables passions qui sont dans leur cœur, puis ils vont partir dans une mauvaise direction. Et donc, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est pas compliqué quand on sait les séparer, les mettre les trois chacun dans leur petite case, là, c'est de comprendre. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer où est-ce qu'on était rendu. On était rendu aux anciens. Il revient avec les anciens, parce qu'on en avait parlé au chapitre 3 des anciens, les qualificatifs qu'on dit souvent, du chapitre 3. Mais il va revenir avec cela ici. Mais il ne faut pas oublier le contexte. Si on oublie le contexte, puis vu qu'on a été des années à lire ces textes-là, à se faire prêcher ces textes-là, hors contexte, quand on se met à les lire, ça nous revient dans l'esprit. Puis on se rappelle, des fois inconsciemment, ce qu'on avait entendu avant. Donc, il faut faire un effort pour se séparer de ce qu'on avait entendu, pour voir ce que c'est que le texte veut dire vraiment. Donc, Timothée est laissé en arrière. C'est comme si on essaie de trouver un exemple, puis je vois quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait, c'est ce que Paul voit. Et Timothée semble être en partie son bras droit, en partie le gars qui a qui a plus confiance. Ou c'est peut-être celui qui faisait depuis longtemps qui était avec lui. Puis il y en a qui ont été avec lui des certains bouts, puis après ça, ils ont parti faire autre chose. Peut-être pas abandonner la foi, mais parti faire autre chose. D'autres qui ont resté dans des églises, ont peut-être fait autre ministère ailleurs. Mais Timothée, il semble avoir resté avec lui jusqu'à la fin. Parce que dans la deuxième épître, on va voir que Paul va, il sait qu'il va mourir, et Timothée est encore là. Donc, ça fait, il a fait un bon bout avec Timothée, avec Paul et Timothée. Il dit, je vais laisser Timothée en arrière, et lui, il va avoir la job de redresser l'Église et de la mettre à nouveau sur les rails, sur la traque à suivre, la bonne ligne à suivre. Je vous l'ai déjà dit, puis je vais vous le répéter, tant que le Seigneur va me donner l'opportunité. L'Église est toujours en train de s'éloigner, d'un bord ou de l'autre, tout le temps. Et donc, il faut toujours faire un effort pour revenir vers la vérité, vers ce que Jésus a dit. Et on a des exemples, vous avez lu la Bible, ou peut-être qu'ils vont, ils ne la lisent pas, mais c'est ce qu'on a lu. Mais on l'a écouté, on l'a entendu prêcher, nos femmes nous le répètent, ou nos hommes nous le répètent. Et on sait que dès le Nouveau Testament, il y a juste 30, 40 ans, peut-être 60 ans, puis le livre est plus vieux comme la Bible, l'Apocalypse, on voit déjà que l'Église est égarée, doctrinalement et moralement. Donc, c'est pas, faut pas dire que nous autres, pauvre, nous, l'Église au Québec est vraiment, vraiment dans un champ de patates. Non, dès le début, l'Église avait de la misère à suivre. Dès le début, l'Église avait tendance à s'éloigner. Pourquoi vous pensez que c'est comme ça? L'Église a toujours tendance à s'éloigner d'un bord ou de l'autre. Elle a de la misère à garder le cap. Est-ce qu'on est facilement influençable ou on a des faiblesses pour un enseignement ou un autre enseignement? Oui, on est des gens influençables. Mais pourquoi on est influençable dans ce domaine-là? Je dirais tout simplement, comme vous allez dire, ah ben oui, on est tous des pécheurs. Oui, excusez-moi. Est-ce qu'on est moins de monde? On est moins de monde? Oui, il y a plus de monde dans le monde. Oui, on est moins que le restant. Donc, c'est normal que la foule nous influence, la masse nous influence aussi. Mais on est des pécheurs. Jésus était le seul dans la masse, il n'a pas été influencé, parce que lui, il n'était pas pécheur. On le sait, ça. Donc, la masse n'est pas une raison de tomber, n'est pas une raison, mais on voit que ça peut nous influencer. Mais ce n'est pas une justification. Ah, tu sais bien, on est tout seul dans la gang, fait que c'est dur de garder le bon cap. Il reste que si, à la base, l'humain est rebelle à Dieu, bien, t'as une tendance. C'est ça. Le pécheur a une tendance à partir d'un bord ou l'autre. Et des fois, on a tendance à partir vers le moraliste, faire des couvents, faire des collèges, faire des monastères. Là, on se prive, on fait des moines, on s'en va dans le moraliste. Ou bien là, on s'en va complètement vers le libéralisme. Là, il n'y a plus rien de péché, tout est beau, tout le monde s'en va au ciel, on part dans l'autre direction. On est. Et quand on lit les épîtres, c'est l'Église. C'est pas le monde. Il parle pas de l'Église, du monde, il parle de l'Église. Donc, c'est l'Église qui a de la misère à garder le cap. C'est pas le monde qui a de la misère. Le monde, on sait ce qu'il est, lui. Il a perdu le cap et il s'en est même pas rendu compte. Nous, par la grâce de Dieu, on s'est rendu compte à un moment donné qu'on avait perdu le cap. Puis on s'est renligné avec Dieu par la foi, par la conversion. On s'est renligné avec Dieu. Mais même là, à cause qu'on est pécheurs, on a tendance. Et donc, il faut garder ça à l'esprit quand on prend nos décisions. Autant en tant qu'Église, en tant qu'individu, je suis un pécheur, je vais avoir tendance à prendre des mauvaises décisions. Je vais avoir tendance, je vais chercher conseil, je vais chercher appui. Je vais aller voir dans les Écritures, qu'est-ce que Dieu me dit, parce que j'ai une tendance naturelle à aller vers la gauche ou vers la droite. Et dépendamment de nos caractères, nos personnalités, on a peut-être tendance à aller plus d'un bord que de l'autre. Okay? Donc, selon notre personnalité. Donc, il y a des gens qui sont fondamentalement, ou par leur éducation, sont moralistes. Ils veulent performer, ils veulent faire ci, Puis il y en a d'autres, par leur éducation, par leur personnalité, et ils vont avoir tendance au libéralisme. Il n'y a plus rien de mauvais, tout est bon, tout le monde s'en va voir ça. Donc, Paul, il va laisser Timothée là, puis il va dire à Timothée, tu vois, j'ai vu... Il ne dit pas ça dans ces mots-là, je le traduis dans mes mots. J'ai vu qu'il y avait des gens qui enseignaient d'autres doctrines dans l'Église. On ne sait pas comment Paul est resté longtemps dans l'Église d'Éphèse. Avant de laisser Timothée là, il passait. Il passait avec eux autres. Des fois, il passait, restait une semaine, deux semaines. Des fois, on voit qu'il passe un peu de temps avec les églises. Et il voit ça, puis il dit, je me suis aperçu qu'en écoutant les chrétiens, en parlant avec les croyants, qu'ils se sont attachés à des généalogies, ils se sont attachés à des fables, à des contes, à des discours profanes, ils se sont attachés à d'autres choses. Et quand on parle les uns avec les autres, ou qu'on parle avec les croyants, on peut percevoir ça. Quand notre oreille est à l'écoute, là, puis qu'on est conscient, qu'on fait attention, on va s'apercevoir, oups, on a une petite tendance. Un matin, j'écoutais un pasteur dans une église avec laquelle j'ai travaillé dans le passé. Et d'un coup, il dit, on va prier pour un enfant ce matin. Là, mes oreilles sont devenues un peu... Je me suis mis à écouter. Je dis, c'est pas une coutume là. Et là, il y a quelqu'un, un père, qui a amené son enfant, je dirais qu'il ne marchait pas encore, 7-8 mois, pour que le pasteur prie pour lui. Vous avez déjà entendu ça? Avez-vous déjà assisté à ça dans des églises? Quand il y a des présentations pour des nouveaux... Oui, ouais, les nouveaux, oui, c'est ça, les nouveaux. Avez-vous ça? Avez-vous déjà vu ça, vous autres, à Vitreville? Moi, je suis à une autre église. Une autre église, vous autres? Pentecôtiste. Pentecôtiste, c'est très fort, cette affaire-là. Vous autres, avez déjà vu ça? Donc, et là, il y en a... Et là, je me suis dit... Puis là, le temps, je crois que le pasteur se sentit un peu mal à l'aise. Il s'entend mal à l'aise de le faire parce que c'est pas son habitude. Mais là, ils ont fait pas ça tout le temps, là, mais, tu sais, en voulant dire. Mais là, j'ai pu voir qu'il était comme. Il n'a pas été capable de dire non. Et voici mes raisons pourquoi je le ferai pas. Fait que là, il a accepté ça. Puis je le vois, là. Si Dieu me donne la grâce, je vais y aller bientôt dans ces églises-là. Je vais voir, il me semble entendre un arbre plus vers le pentecôtiste. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés. Puis quand ils arrivent de l'extérieur, dans l'église, ils amènent avec leur influence avec eux autres. S'ils sont tout seuls, ils sont moins. Mais s'ils arrivent deux, puis trois, puis cinq, puis huit, ça a une influence. Là, ils s'encouragent mutuellement. Donc, mais je sais bien que ce pasteur-là, il y a 10 ans, il n'aurait jamais fait ça. Nous, on se laisse influencer par... Tu dis, mais c'est pas bien grave, François, ça. Mais ça laisse quoi comme idée? Là, il y en a de jeunes prier pour lui. Pourquoi? Pour que Dieu le garde, que Dieu le dirige vers lui, que Dieu le sauve avec les années. Puis c'est dans ce sens-là qu'il prie. Okay. Donc, on est en train de dire qu'on peut prier pour un enfant nouveau-né, puis laisser espoir que ça va fonctionner, ce genre de prière-là. Et sans s'en rendre compte, on fait un pas, là, on s'égare, soit à gauche ou à droite. Mais il faut prendre le temps de bien réfléchir quand on fait les affaires. Puis on va voir aujourd'hui, si Dieu, là, si je peux commencer mon texte, on va voir aujourd'hui que c'est pas facile de mettre les deux pieds à terre et dire c'est ça que la Bible a dit. Vous le serrez devant 50 personnes, devant 100 personnes, devant 200 personnes. C'est pas si évident que ça de dire ce que la Bible dit. Et c'est de dire, là, on va voir que Timothée, dans sa personnalité, Timothée, c'était pas naturel pour lui. Paul, quand on lit Paul, on a l'impression que Paul, lui, ça le dérange pas. Il va me mettre sur les marches du temple, il va prêcher à toi 200, 300 personnes, 1000 personnes, il va vous dire qu'est-ce que je pense. Puis, il disait, il semble que c'est ce qu'on semble voir quand on lit. Timothée, ne sois pas gêné, n'aie pas peur. Le fait que Paul avait étudié auprès de Gamaliel, là, est-ce qu'avant qu'il rencontre les chrétiens, il était déjà un homme qui était capable de prêcher? Prêcher, je dirais que oui. C'est probablement que les pharisiens enseignaient en général. Donc, il était déjà... Puis même avant sa conversion, Paul martyrisait l'Église. Il courait après les chrétiens, puis il les amenait en prison. Puis c'était un gars qui était fantastique, il avait de l'audace, il avait du front autour de la tête, comme on disait à Québécois. Mais d'être capable de parler devant la foule par rapport à sa foi d'avant, où il faisait ça. Mais les pharisiens se préparaient à ça, c'était leur job. Ben oui, c'était d'enseigner, de proclamer les vérités dans l'Ancien Testament, bien entendu. Donc, Timothée va rester là, mais pour Timothée, il semble que c'est pas facile pour lui. Mais il va y travailler. Là, Paul va y donner. On a vu ça ensemble. Paul, il donne des... Fais attention à ceux qui se placent comme docteurs de la loi puis ne comprennent pas la loi. Ils l'utilisent mal, la loi. Donc, il dit, quand les croyants commencent à emmener la loi dans leurs enseignements, puis il dit que la loi dit ça, il faudra faire ça parce que la loi dit ça, que ton oreille soit sensible à ça. Parce que quand on parle de la loi, quand on est dans la Nouvelle Alliance, il faut toujours faire attention. Quand on nous emmène dans l'Ancien Testament, il faut toujours faire attention et dire, c'est là pour nous aider à comprendre, mais on n'est plus sous l'Ancienne Alliance. Il faut faire attention. Donc, il dit, il y a des gens là, dans l'Église qui utilisent mal, utilisent la loi de façon illégitime. Et ça, ça l'a amené l'Église dans pas des bonnes directions. Et on a vu par après qu'il a dit, pour redresser l'Église, là, tu vas donner à l'homme sa place puis à la femme sa place. Il faut que les deux prennent leur place dans l'Église. Ça va aider à l'Église à rester dans la bonne direction. Ça va revenir dans la bonne direction. Et ça va l'aider, l'Église. Si chacun joue son rôle que Dieu lui a confié, ça va garder l'Église dans la bonne direction. Ensuite, on a vu les qualificatifs pour évêque, pour serviteur diacre, et on a vu les qualificatifs pour les véritablement veuves, et on a vu ça. Et on a vu que les trois, c'est pareil. Il y avait quasiment les mêmes qualificatifs pour les trois. Je ne crois pas qu'il y a de super chrétiens pour faire quelque chose de plus spirituel que d'autres. C'est que chacun va avoir un appel différent, des dons différents, mais Dieu nous appelle tous à la spiritualité. Il dit, toi là, tu veux être un évêque, mais il faut que tu sois un vrai spirituel. Toi là, tu as un autre ministère, mais toi, tu as besoin d'être moins spirituel. Non, non, non. La spiritualité, ça, c'est ma relation avec Dieu, elle est la même pour tout le monde. Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, je crois qu'il y a des gens qui sont assis dans les bains, on pourrait dire ça comme ça, qui sont aussi spirituels, peut-être plus spirituels que le gars qui est en avant qui prêche. Là. C'est que ce n'est pas son don d'enseigner, tout simplement. OK? Mais on a vu ensemble, puis on va. Ça, je vais vous dire, là, parce qu'on va y venir à notre texte d'aujourd'hui. On a vu que les trois choses qu'on a vues, les évêques, les diacres ou serviteurs, et toutes les trois étaient honorables. Honneur. Puis aujourd'hui, on va parler de double honneur. Donc, on va continuer à avoir cette idée-là. Puis, il va parler de... Il y en a qui doivent avoir une double honneur. Ça veut dire quoi, ça? Donc, on va lire à partir du verset 17. Donc, le verset 17, les anciens qu'on va parler aujourd'hui, ce qu'on va parler d'eux autres, c'est encore avec la même raison. Redresser l'Église et la garder dans la bonne voie. Donc, il y a deux choses qui vont nous dire ici par rapport aux anciens, qui vont aider l'Église à se redresser et retrouver le chemin de la vérité, de redevenir, si je peux dire comme ça, la colonne et l'appui de la vérité, comme on a vu, et rester dedans, okay, le plus longtemps possible, okay, rester dedans. Parce qu'on a tendance à partir, faut revenir, on a tendance à partir, faut revenir. Donc ça, on va le voir ensemble. À partir du verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne faire rien par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation, ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Je vais arrêter là pour le moment. On va revenir tout à l'heure. Il y a deux choses qu'on parle ici en ce qui concerne les anciens. Vous remarquez, c'est quoi les deux choses? Double honneur et reprendre, okay. Réprimander. Si on ne fait pas les deux choses en tant qu'Église, on s'égare du chemin de la vérité. Les deux choses doivent être faites. Dans ton expérience personnelle, ces deux choses-là, c'est quoi pour toi? Dans ton expérience personnelle, dans ton 20 ans de vie chrétienne, dans ton 30 ans de vie chrétienne, ces deux choses-là t'ont impliqué comment dans la vie? Parce que si on ne s'implique pas personnellement dans ces choses-là, nous nuisons à l'Église, nous aidons pas l'Église à rester dans le chemin de la vérité ou de revenir dans le chemin de la vérité. Donc, ces deux choses-là sont importantes. C'est pas pour rien que Paul va en parler, parce qu'il sait que pour le but de redresser, pour le but de ramener, de garder, ces deux choses-là sont importantes, comme on a vu les autres aussi. Donc, il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Les anciens, c'est l'équivalent des évêques ou l'équivalent des pasteurs. Okay? Donc, c'était un peu l'équivalent. Les anciens, c'était les vieux dans l'Église, les plus vieux dans l'Église en général, c'était les gens les plus âgés. Chez les Juifs aussi, c'était la pratique. Je crois qu'aussi chez les Grecs, c'était la pratique. Si vous regardez l'histoire, même l'histoire du monde, en généralement, les jeunes, les vieux dirigent les pays. C'est un peu plus qu'un gars de 20 ans qui va diriger le pays. C'est des gens qui ont souvent une expérience de vie, qui ont une réputation de leader, qui ont une réputation d'avoir réussi dans la vie. C'est des gens qu'on respecte de toutes sortes de façons. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il dit, les anciens qui dirigent bien, ça, c'est-tu subjectif? C'est en sens que toi, tu décides s'ils dirigent bien, puis tu décides qu'ils ne dirigent pas bien. Comment est-ce qu'on peut savoir s'ils dirigent bien? Parce qu'on avait vu dans les critères qu'un des critères, c'est qu'ils devaient bien diriger. Puis de savoir s'il dirigeait bien, c'est regarder s'il dirige bien sa famille. S'il dirige bien sa famille, il va pouvoir bien diriger l'Église. Mais diriger l'Église, ça veut dire quoi, ça? Si on dit, ben, OK, là, ce gars-là, il dirige-tu bien l'Église? Comment vous pourrez évaluer ça? Vous regardez un pasteur, vous regardez des pasteurs ou un ancien ou des anciens dans l'Église. C'est quoi vos critères à vous pour dire, ouais, il dirige bien, lui, c'est un bon pasteur, il dirige bien? Je lisais ce matin, hier plutôt, une lettre d'un chrétien d'une église. Leur pasteur vient de les quitter. Il vient de les quitter pour aller prendre un ministère ailleurs. Puis il a été là longtemps, 20, 25 ans, peut-être 30 ans. Il lui écrivait une lettre par rapport à son pasteur. Et fait que, en regardant, je me suis dit, qu'est-ce que lui recherchait? Parce que c'était très positif ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire que le pasteur a comblé ses attentes, a comblé ses besoins, a comblé ce que lui pensait qu'un pasteur devait faire parce qu'il voit positif. Mais chacun de nous, on peut avoir des attentes différentes. On pourrait le prendre du niveau relationnel de couple. Pourquoi on a eu un penchant vers un ou tous vers l'autre? Pourquoi lui, j'ai pensé que ça ferait un bon mari, l'autre, je pensais qu'elle ferait une bonne femme, l'autre, je pensais. On a tous nos petits critères à l'intérieur de nous, là. Inconsciemment ou consciemment, on a tous nos petits critères. Ma mère avait des critères, mon père avait moins de critères, ma mère en avait plus. Puis quand elle nous parlait des petits gars, là, quand elle nous parlait des filles, nos petits gars, là, puis elle avait ses critères. C'est comment choisir la femme, là, qui va être une bonne femme, comme elle disait ça. Tu sais, une bonne femme, là, il n'y en a pas dans toutes les rues, là, des bonnes femmes. Mais pourtant, toutes les femmes dans la rue ont toutes été mariées à un moment donné. Fait qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a trouvé qu'elle était une bonne femme. Parce que même si ma mère n'aurait pas trouvé bonne femme, il y a des hommes qui l'ont trouvé bonne femme. Parce qu'ils ont marié, finalement. Fait que, mais comment est-ce qu'on fait pour dire... Puis il faut qu'il y ait un consensus, là. Faut qu'il y ait un consensus général. On peut pas dire, moi, je l'aime pas, ce style-là. Moi, je l'aime pas, ce style-là. Bien, il n'y aura jamais de pasteur, finalement, parce que... Il faut qu'il y ait un consensus. Il faut qu'on soit capable de trouver un consensus pour dire ça, c'est un pasteur qui dirige bien. Il faut qu'on arrive à quelque part parce que sans ça, ça ne marchera pas. C'est comme on pourrait dire, mais j'aime les Ford, j'aime les Chevrolet, j'aime les Nissan. Mais à quelque part, il faut s'acheter un auto, toute la gang ensemble. Il faut avoir des critères de base pour dire qu'ils nous rassemblent, pour dire finalement, on achète. C'est quoi le besoin qu'on veut faire? C'est quoi ça? Et on va voir qu'il y a des choses moins importantes. La couleur est peut-être moins importante que Le but qu'on a, si c'est pour aller dans le bois, c'est peut-être pas si important que ça, la couleur, puis c'est pas égratigné, mais les quatre bons pneus, ça, on s'en va dans le bois. Donc, si on détermine ce qu'on veut faire avec la voiture ou l'automobile, ça va peut-être nous aider à se restreindre dans nos idées, là. OK, la couleur est moins importante. S'il n'y a pas de radio, c'est pas important. Dans le bois, il n'y a même pas d'onde qui arrive là. Bon, on n'a pas besoin de radio, OK. Fait que là, on va... On détermine le rôle qu'on veut donner à l'auto, ça va nous aider à ensemble à voir. Mais si on n'a pas déterminé avant ce qu'on veut faire avec l'auto, là, on va tout avoir notre sorte d'auto à chacun de nous, là. On va tout dire que c'est la meilleure. On va vraiment dire, hey, les Nissan, c'est bon. J'ai jamais vu un bon char comme les Nissan. C'est ça qu'on entend souvent. Mais quand on décide de mettre des anciens, ou que si je dois évaluer en tant qu'Église, parce que le double honneur qu'on va parler tout à l'heure, et c'est pour ceux qui dirigent bien. Faut comment est-ce qu'on va faire pour arriver à dire, ensemble, on pense qu'ils dirigent bien? Sans ça, on ne peut pas le faire, on ne peut pas marcher. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend qu'il va faire? Moi, je pense à l'enseignement. OK. Enseigne bien. S'il enseigne selon les Écritures. OK. Pour ma part, c'est... Donc, il dirige avec quoi? Je me souviens qu'il y avait une femme à laquelle je parlais de temps en temps de la foi. Elle dit, moi, le dimanche, elle dit, quand je m'envoie à l'église, elle dit, il faut que je me ferme les yeux. Parce qu'elle dit, le pasteur, je déteste la façon qu'il s'habille. Elle dit, je ne suis pas capable, ça mérite. Tu sais, les couleurs, puis comment il s'habille, ses cravates à poids, puis il est habillé comme un gars de 1940, puis elle est très fière de sa personne. Puis, j'ai dit, ah oui, tu peux être dérangé par ça. Là, je me suis mis à choquer mes cravates. Non, mais à toi-même, tu dis, si il y a une chrétienne, il y en a peut-être 10 qu'on ne sait pas, là, 20 qu'on ne sait pas, puis qu'est-ce qui dérange? C'est sa coupe de cheveux. L'autre jour, il y a un chrétien qui est allé voir le pasteur, il dit, hey, tes cheveux bien trop longs pour un pasteur. Un pasteur, ça n'a pas les cheveux longs de même. Je me dis, mais c'est tout ça quelqu'un qui dirige bien, tu sais, il y a de belles cravates, puis il y a les cheveux bien coupés. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dirige bien? On a toutes nos petites idées, mais si on met ça à part, j'aime mieux un gars qui a les cheveux moins longs, OK, ça peut être mon goût personnel, mais ça n'empêche pas le gars de faire le travail qu'on lui a confié. Tu sais, si je demande à l'électricien, sérieux, les cheveux longs, les cheveux courts, ça ne changera pas les fils qu'il va mettre ensemble, là. Ça ne changera pas. Ça m'énerve peut-être un peu, mais si la job est bien faite, est bien faite. Je demande à un mécanicien aussi, ça va être la même affaire. C'est pas si important que ça, la coupe de cheveux. Parce que c'est pas ça le but. Si je fais une parade de mode, peut-être ça, là ça va avoir un but, là, le cheveu, l'apparence. Mais quand je veux évaluer un ancien pour lui donner un double honneur, le critère de base, un des critères, il y a deux critères dans notre texte, c'est qu'il dirige bien. Église. Et diriger aussi, ça va avec le mot direction. Parce qu'enseigner, des fois, je pense à des enseignants à l'école qui donnaient la matière très bien, mais c'était pas des dirigeants, c'était juste des passeurs d'informations, si tu veux. Parce que diriger, c'est aussi donner la direction vers un but, là. Oui, il y a ça. Puis je crois que la façon que tu vas le faire, quel outil tu vas faire, c'est-tu ta personne qui va diriger ou c'est l'outil que tu vas utiliser? Qu'est-ce qui fait que il va... Parce que donner une direction, tu peux la donner différemment. Un, tu peux la donner par des ordres. Par là! Tout le monde va là! L'autre dit, si ça vous tente, on pourrait aller par là. Je pense que le meilleur chemin, c'est par là. Il y a différentes personnalités, comment tu vas aligner ton monde. Mais ça, encore là, c'est souvent subjectif à nous, qui on est, nous. Qu'est-ce que c'est que genre de personnes qu'on aime. Il y en a qui aiment ça, que ce soit clair, c'est comme ça, puis aiment ça. D'autres, si tu les parles de même, ils se résistent, puis ils ne veulent plus rien entendre. Donc, mais ça, c'est encore subjectif à qui je suis. Qu'est-ce que j'aime ou que j'aime pas. Mais ici, on doit trouver un point commun, parce qu'on est dans un groupe, on est dans une église, on est dans un corps. Donc, il doit diriger bien. Mais il va diriger qui? L'Église. C'est pas pour diriger le peuple, c'est pas pour diriger la ville, c'est pas pour diriger la province, c'est pour diriger l'Église. C'est ça qu'on veut. C'est quelqu'un qui va bien diriger l'Église. Et donc, où est-ce qu'elle s'en va, l'Église? Comment je vais savoir si tu me diriges bien? Bien, il faut dès qu'on sache où est-ce qu'on s'en va, pour qu'on sache si vraiment tu diriges bien. Si je ne sais pas en tant que chrétien où est-ce que je veux m'en aller, je ne saurais pas si le pasteur dirige bien, je ne sais même pas ce que je veux aller moi-même. Mais si je sais où est-ce que je veux m'en aller, puis je suis en train de voir qu'il est en train de prendre le champ de patates, je vais dire, wow, t'es un peu, toi, là, où tu t'en vas, là? On est supposé s'en aller par là, nous autres, là, toute la gang. Puis toi, je te vois bien que tu prends un air d'aller comme ça, là. Fait que tu ne diriges pas bien, là. C'est pas là qu'on veut aller en tant qu'Église. Donc, c'est fois que l'Église n'est pas déterminée c'est qu'est-ce qu'elle veut faire. Comme on a vu dans notre texte, où j'ai dit un petit peu tout à l'heure dans mon introduction, si le but de l'Église, c'est d'être la colonne et l'appui de la vérité, c'est ça qu'on veut. On veut que le gars, il va nous diriger là-dedans, là. C'est ça qu'on veut faire. On veut être gardien, si je peux dire ça comme ça, ou la colonne ou l'appui de la vérité. Pour Timothée, c'est probablement ça notre contexte le plus clair. Donc, il va nous diriger là-dedans. Il va nous diriger parce que nous autres, on veut en tant qu'Église avoir la vérité, on veut comprendre la vérité, on veut saisir la vérité, on veut la garder la vérité parce que c'est ça qui glorifie Dieu. On ne veut pas faire comme l'Église d'Éphèse dans l'Apocalypse, qui connaît la vérité et qui n'aime plus Dieu. Parce que ce n'est pas ça qu'on veut, là, non plus. On veut connaître Dieu, mais c'est pour le glorifier, puis l'aimer, puis le servir. C'est ça qu'on veut. Ce n'est pas juste la connaissance qu'on veut. Donc, il dit, je crois qu'il va il dirige bien l'Église vers la vérité, vers la mission de l'Église. J'entends les chrétiens, des fois, les pasteurs, quand ils parlent, quand ils enseignent, quand j'écoute ça sur les médias. Puis là, ils disent, le but de l'Église, puis là, ils donnent une déclaration. Puis ils n'ont pas toutes la même, là. Ils n'ont pas toutes la même, là. Un matin, j'écoutais un pasteur, puis voici, là, lui, il a donné sa déclaration. Pourquoi il faisait les choses? J'aurais mis quelques mots de plus ou quelques mots de moins dans sa déclaration, personnellement. Je n'étais pas tout à fait d'accord. J'ai dit, c'est ça que tu penses, tu vas mettre des priorités autres dans l'Église que moi, je mettrais. OK? Donc, c'est quoi? Si je dis que l'Église, c'est ça sa mission, bien, automatiquement, faut que c'est là que je vais être plus conscient. Tu sais, si on part toute la gang, on a comme but s'en aller aux chutes Niagara. Puis d'un coup, on voit des pancartes de Gaspésie. On n'est pas tout à fait dans la bonne direction. Non, mais François, tu conduis l'autobus, puis je sais pas, là, mais je vois des pancartes marquées Gaspésie. Tu t'es planté à quelque part, mon gars. Non, là, je sais ce que je m'en vais. Mais on s'est planté, là. Donc, c'est parce qu'on sait, toute la gang, où est-ce qu'on veut s'en aller. On veut s'en aller à Chute-Niagara. Parce que soit qu'on était non attentif, qu'on n'a pas regardé la route, qu'on s'est juste fié au gars. C'est lui le pasteur, il sait ce qui s'en va, on le laisse aller. On s'endort d'un bain, puis on va se ramasser à Chute Niagara. Erreur. Il ne faut pas faire ça comme ça. Mais si on sait où est-ce qu'on veut s'en aller en tant qu'Église, ce qu'on veut accomplir en tant qu'Église, on va pouvoir discerner plus facilement s'il dirige bien ou pas. S'il dirige bien ou pas. Sans ça, on ne saura pas. Donc, c'est pour ça que vous allez voir dans les confessions de foi des églises, on essaie de d'écrire un paragraphe sur la mission de l'Église. Si on vous demandait ça à vous autres aujourd'hui, chacun de vous individuellement, c'est quoi la mission de l'Église, vraiment? Qu'est-ce que vous marqueriez? Automatiquement, ça va influencer votre décision s'il dirige bien l'Église. Si il y a des pasteurs qui disent que la mission de l'Église, c'est d'évangéliser le monde. Donc, ils mettent beaucoup d'accent sur l'évangélisation, des programmes d'évangélisation, ils font venir des évangélistes, ils font toutes sortes d'affaires. Ils sont très axés vers... Et même le dimanche matin, ils font de l'évangélisation pendant... Ce matin, je vais me dire, ils font de l'évangélisation pendant le repas du Seigneur, puis ils essaient de converser les gens pendant le repas du Seigneur. C'est axé vers ça. Donc, ils partent. Puis, bien intentionné, le gars, là, bien intentionné, là. Mais pourtant, si je lui demandais, c'est quoi la mission d'Église? Il va probablement me répondre, c'est le salut des âmes. Mais c'est ça, la mission de l'Église. Si c'est ça, il faut aligner C'est ça qui va nous dire si le pasteur dirige bien ou l'ancien dirige bien. Si c'est ça qu'on se donne comme mission. Moi, j'ai vu des églises faire des reproches à des pasteurs. Tu n'évangélises jamais. Tu n'évangélises jamais. On ne veut jamais évangéliser. Il y en a un qui avait répondu, c'est aux brebis à se reproduire. Ping! Mauvaise réponse. Tu as déjà été une brebis avant d'être pasteur. Tu sais, mais c'est que... C'est parce que la personne qui a fait la remarque, c'est parce que c'était important pour elle, l'évangélisation, puis elle voulait en faire, puis elle voulait que l'Église en fasse. Puis, fait que le pasteur n'en fait pas, donc il ne dirige pas bien. C'est ce que je dis, donc c'est drôle, hein, mais c'est diriger, c'est pas administrer, là. L'administration, ça peut être quelqu'un d'autre dans l'Église qui fait ça. Il y a des administrateurs de l'Église qui sont bien meilleurs que le pasteur pour administrer l'Église, je vous garantis. C'est pour ça que quand j'étais pasteur à Mont-Tremblant, on avait fait deux conseils, un conseil d'administration et un conseil spirituel, un conseil qui dirigeait l'Église spirituellement. Donc, c'est l'administration, là, on avait pu mettre, il y avait des hommes et des femmes, il y avait des toutes sortes de monde qui étaient là, qui pouvaient diriger l'Église, qui avaient des capacités pour diriger, administrer les biens, le bâtiment, l'argent, administrer ça. Et l'autre gang, c'était, nous autres, on s'occupe des choses spirituelles, l'enseignement. L'autre affaire, on laisse ça aux autres. Parce qu'il y en a qui sont meilleurs que nous autres pour le faire. Donc, ça faisait moins de conflits, je trouvais. Donc, c'était... Dans votre tête, vous avez déjà une idée préconçue, c'est quoi quelqu'un qui dirige bien. Vous avez déjà fait votre idée dans votre tête. C'est fait. On est comme ça. Sans s'en rendre compte, on a une image de ce que ça veut dire quelqu'un qui dirige bien. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, vu qu'on est des pécheurs, il faut réaligner ça avec Dieu. Il faut dire, qu'est-ce que Dieu, lui, veut dire par quelqu'un qui dirige bien? Fait qu'il faut que je sache qu'est-ce que Dieu veut, quelle sorte de dirigeant que Dieu veut. Donc, je crois que l'idée ici, c'est qu'il dirige le peuple de Dieu pour accomplir sa mission. Il va aider l'Église avec les autres membres du corps, parce qu'on travaille tout ensemble, il va être dirigé pour que l'Église comprenne bien sa mission, qu'elle sache bien faire sa mission et qu'elle accomplisse sa mission. Et on redresse, parce qu'on a tendance à, comme on a dit tout à l'heure, à ramasser du stock qui ne devrait pas faire partie de ça. On s'attache à toutes sortes de choses, que ça devient important, mais vraiment, c'est pas vraiment important, c'est pas le but de la mission, c'est pas le but de l'Église. Dieu se cherche un peuple d'adorateurs et de serviteurs. La fin de toute chose, c'est quoi? On va être dans le ciel, mais on ne fera pas d'évangélisation. Quand on va être dans le ciel, on ne fera pas d'évangélisation. Ce n'est pas ça le but. Je ne dis pas qu'il ne faut pas partager notre foi. Oui, mais c'est un sous-produit de mon adoration et de mon service à Dieu. Ça va venir de soi, le faire, de partager des choses avec les gens autour de moi, de ce que je crois. Mais ce n'est pas le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est Dieu. C'est la personne de Dieu, le but de ma vie. Donc, est-ce que cette personne-là me dirige vers Dieu? Est-ce qu'elle me pointe vers Dieu? Un peu, je pourrais dire un exemple, hors contexte. Jean-Baptiste qui dit, regardez là, lui là, c'est ça là. Lui, ce gars-là, là, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il pointe vers. Le pasteur devrait être capable de pointer vers Dieu. L'ancien, c'est Dieu l'ultime but. C'est Dieu l'ultime but. C'est pas la structure, c'est pas l'administration, c'est Dieu le but. Donc, si on ne s'en va pas vers Dieu, si on n'apprend pas Dieu, si on ne comprend pas mieux Dieu, si on n'aime pas plus Dieu, si on ne sert pas plus Dieu, c'est qu'on est stagné, on ne bouge plus. On a pris d'autres activités à l'entour, qu'on appelle religieuses ou de Dieu. Mais s'il dirige bien, qu'il soit jugé digne d'un double honneur. Surtout, là, il met un surtout, les anciens qui dirigent bien sont dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc ça, c'est le... Qu'est-ce que ça veut dire, le double honneur? Là, verset 18 nous le décrit tout de suite. On n'a pas besoin de chercher longtemps qu'est-ce qu'il veut dire. Car l'Écriture dit, tu ne museleras point le bœuf. Je vais revenir sur les doubles honneurs et le travail, là. Et quand il foule le grain, un ouvrier mérite son salaire. Quand j'étais jeune, on battait, qu'on disait, on battait le blé, on battait le... Puis pour pas que le cheval en mange, on y mettait une muselle, on l'emmusellerait, on mettait une boîte, une poche avec un strap, puis on l'empêchait d'aller manger. On voulait pas qu'il mange, on voulait qu'il tourne, qu'il fasse sa job. Mais Paul il en parle ici, mais il en parle dans d'autres. Il dit, l'Écriture dit, Paul dit ailleurs, il dit, est-ce que Dieu se met en peine des taureaux et des bœufs? Ben non. Il utilise ça comme exemple pour les ouvriers. Donc il dit, si tu ne laisses pas le bœuf manger ce qu'il va battre, il va finir par crever de faim et il va arrêter. Là. Tu tires dans le pied si tu nourris pas le bœuf qui va fouler le grain. Il dit, chaque ouvrier mérite son salaire. Si tu ne payes pas ton ouvrier, ben, tu vas perdre des ouvriers et tu ne pourras plus faire rien. Donc, c'est le côté de pourvoir aux besoins. C'est ce qu'appelle... Tous les évêques, les serviteurs, les veuves sont tous dignes d'être honorés. Mais les autres, ceux qui dirigent bien, ça veut dire qu'il y en avait qui pouvaient diriger sans être à plein temps dans l'enseignement et la prédication. Parce que le mot travail, là, tu as d'autres choses dans vos bibles, surtout ceux qui travaillent à la prédication. Peine. C'est de travailler au point d'être fatigué. C'est de travailler. Ça veut dire qu'il fait ça à plein temps. Ça veut dire qu'il se donne, il a consacré sa vie à faire ça. C'est ça que ça veut dire le texte. C'est pas que de temps en temps il fait ça, quand le soir il a le temps, il fait quelque chose. C'est quand il est de temps en temps, puis c'est correct s'il a sa job, puis il est cultivateur, puis il est un ancien dans l'Église. Il dirige bien l'Église quand même, puis il dirige bien, puis tu vas l'honorer à cause de ça. Mais s'il fait à plein temps, tu devrais pouvoir à ses besoins. Oui? C'est quoi la différence entre la prédication et l'enseignement? Qui peut répondre à qui ils vont? Y a-t-il qui a une idée? C'est quoi les deux? C'est quoi les possibilités? Moi, quand je ne le sais pas, je mets des possibilités. Mettons, comme moi, j'aurais qui peine au ministère de la parole et à l'enseignement. C'est comme ils séparent les deux. Mm-hmm. Donc, ça serait la prédication, ça serait comme en rapport avec la parole même. Il enseigne à jouer du badminton. Il prêche la parole, mais il enseigne à jouer du badminton. Mais l'enseignement, ça serait-tu, mettons, comme un côté historique? Tu sais, quand tu emmènes un enseignement par rapport à la doctrine que Paul il veut dans l'Éphésiens, ça serait la parole. Et quand tu dis, oh, le lac de Génézareth, il est de tant de kilomètres. C'est pas ça, ça n'a pas l'enseignement. Est-ce que tu l'as mis en pratique? L'application? On l'avait vu, on en a parlé un petit peu dans les autres chapitres. Quand il dit à Timothée, déclare ces choses et enseigne-les. Déclare, ça c'est la prédication. On a vu, tu peux déclarer et enseigner si tu accompagnes la mise en pratique de tout ça. Tu vas aider les gens à comprendre et à le mettre en pratique, à répondre à leurs questions. Tu vas donner un suivi à ça. Tu ne vas pas juste le déclarer dimanche matin, pardonnez-vous. Déclarer, c'est de la comprendre en fait. Non, je la déclare. Je vais dire, mettons, Dieu existe. Dieu est mort à la croix. Je déclare des vérités de la Bible. Mais toi, tu peux avoir des questions, là. C'est quoi une véritable veuve? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Et là, tu vas accompagner les gens là-dedans. Un enseignant, c'est pas juste quelqu'un qui déclare et qui est capable d'expliquer et t'aider à comprendre ce qui a été déclaré. Voyez-vous la différence? C'est un petit peu... Puis il y en a qui sont meilleurs à la prédication, puis il y en a qui sont meilleurs à l'enseignement. Ça sert avec un couple, ça sert avec des gens, ça sert avec un petit groupe, répondre à leurs questions. « Hey, pasteur, on pourrait-tu aller voir, moi et ma femme, on a des questions, on a besoin de conseils. » Mais il est capable de s'asseoir et d'expliquer la relation entre les déclarations aussi. Tu sais, mais des fois, il y a une déclaration qui peut sembler une contradiction avec une autre déclaration. Puis le gars qui déclare, il n'est peut-être pas aussi habile à faire les liens entre les deux. Mais celui qui enseigne, il va peut-être être mieux pour faire le lien entre les deux choses. Comment est-ce que la Bible, elle me semble me dire ça, puis ici, il me semble, elle me dit autre chose, mais c'est contradictoire. Un peu comme Paul dans les Épîtres, là, il fait une déclaration. Ça, après, c'est de l'enseignement. Il enseigne. Paul, c'est un gars qui est capable de dire des grandes déclarations puis les expliquer après. Pourquoi que c'est comme ça? Pourquoi ça devait être de même? Comme, je peux dire, notre Dieu est un Dieu trinitaire. Une déclaration, c'est vrai. Mais pourquoi qu'il a besoin d'être trinitaire? Pourquoi qu'il n'est pas juste un Dieu ordinaire, une personne? Pourquoi c'était nécessaire que Dieu soit trinitaire? Est-ce que, je n'ai peut-être déjà parlé ici, est-ce qu'on peut être sauvé si on ne croit pas que Dieu est trinitaire? Non. Parce qu'il n'y a pas de salut si Dieu n'est pas trinitaire. Il n'y a pas de salut si ce n'est pas trinitaire. Donc, mais moi, l'enseignant va dire, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi qu'on avait besoin d'avoir un Dieu trinitaire? Pourquoi que c'est impossible de penser autrement? C'est impossible qu'il y ait juste... J'ai écouté un petit film, le gars il dit, ça se passe en Australie, puis c'est un indigène australien, ils sont quasiment en noir, là, puis il y a des blancs là-dedans qui prêchent la Bible. Puis là, le noir il dit à sa femme, en tout cas, il dit, Dieu, là, peut-être c'est un homme qui est bon. C'est toute la connaissance qu'il avait. Tu sais, le Dieu qui nous parle, peut-être c'est un homme qui est bon. Il voit Dieu comme un homme, c'est peut-être un bon gars. Mais là, je dis, bien, il faudrait que j'expliquerais à là, Dieu, c'est pas un homme. Là, c'est... Mais ça, c'est plutôt l'enseignant va être dans ce sens-là. Tu vois la différence? Ça répond à ta question? Oui. OK. Donc, surtout ceux. Mais on va voir pourquoi. C'est pas juste le fait. J'ai mis sur ma feuille, pourquoi je le ferais si je le fais cela? Il y a quelqu'un qui travaille à plein temps dans la prédication et l'enseignement. Et pourquoi je déciderais, moi, personnellement, de dire « je vais pouvoir à tes besoins ». Pourquoi je le ferais? Pourquoi ça deviendrait important pour moi? Et si je ne le fais pas, ça manifeste quoi? Si je ne le fais pas, ça manifeste quoi? Donc, c'est pourquoi je le ferais, ça? Quel est le but de faire ça en tant qu'individu ou en tant qu'Église? Dans notre épître à Timothée, là, c'est quoi? Qu'est-ce que Paul veut en disant à Timothée, dis ça à l'Église, déclare ces choses-là à l'Église, explique à l'Église pourquoi ça devrait être comme ça. Pourquoi, des années 78-79, j'étais un jeune chrétien, je venais juste de commencer, ça faisait 3-4 ans, 2-3 ans, j'étais chrétien. Et j'ai rencontré des croyants qui faisaient partie d'une autre association d'Église. Eux autres, ils croyaient des choses que nous, on ne croyait pas dans le fonctionnement de l'Église. Et une des choses qu'ils ne croyaient pas, c'est qu'aucun ancien ne devait être payé. Aucun d'anciens ne devait être payé. Cette association-là n'existe plus aujourd'hui. Elle n'existe plus aujourd'hui. Se sont éteints tranquillement. Et lui, fait qu'il va chercher un verset qui était dans l'Ancien Testament, il vient dire ce que Dieu veut. Ben oui, c'est ça. C'est pas un choix, c'est une obligation. C'est une obligation. Qu'est-ce qui rend cette chose comme obligatoire? Pourquoi on le ferait? Pourquoi que je décide de faire ça? C'est quoi mon idée derrière ça? C'est juste que, bon, ben c'est le fun d'avoir quelqu'un devant dimanche matin, puis on s'en va chez nous après. Puis c'est ça le but? Ben non, j'ai un but plus grand que juste avoir quelqu'un qui me parle le dimanche matin. Mais cette personne-là, qui prend la peine à la prédication puis à l'enseignement, comme on l'a à plein temps, elle a besoin d'être soutenue pour garder l'Église sur les rails, comme tu disais tantôt. S'il n'est pas soutenu, il ne pourra pas s'occuper de ça comme s'il est soutenu. Oui, ta réponse est bonne, Gaétan. Je crois que si on veut redresser, ça va prendre quelqu'un qui va s'en occuper. C'est pas prendre quelqu'un. Il faut prendre quelqu'un qui va dire, je vais passer mon temps à vous aider, à vous redresser, nous redresser, parce qu'on fait partie de la même gang, se redresser. Il faut que quelqu'un le fasse. Tu ne peux pas le faire à 10 minutes par semaine, ou 2 heures par semaine, ou 1 heure par semaine. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut que ça se fasse pour que quelqu'un, il va se... Un ou deux ou trois, peu importe comment est-ce qu'on veut mettre de nom. Mais qui va se... On avait vu l'évêque qui aspire à ça aussi. Donc, c'est quelqu'un qui voit que Je crois que ça se fait d'une façon naturelle. J'aime pas le mot naturel. Puis oui, en même temps, c'est ça que Dieu lui a donné à faire. C'est ça que Dieu lui a donné comme don. C'est ça que Dieu lui a donné comme capacité. Et c'est ça qu'il aime faire. Il veut le faire. Mais est-ce que l'Église dit, nous, on croit que c'est assez important qu'on va te soutenir. On veut que tu le fasses. Puis on va te soutenir pour que tu le fasses. Et c'est comme elle se trouve à participer. C'est parce que je vois le besoin. Si je ne le fais pas en tant qu'Église, on va s'égarer. Là, je suis pas en train de mettre ça juste sur une chose. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas juste un gars qui va garder l'Église. Il y a une implication de toute l'Église. Si l'Église est consciente qu'on garde, Paul nous le dit à travers Timothée, on s'est égaré là. On était toute là, la gang ensemble, là. Puis on s'est égaré. Il y a des gens dans l'Église qui enseignent des fausses doctrines, mais on ne l'a même pas vu, on ne les a même pas empêchés de le faire. Il y a des gens qui ont emmené des phares et des cordes, puis on a tout accepté ça, puis on suit ça, puis on s'en va avec ça. Fait que ça nous prendrait quelqu'un qui va nous aider à voir clair là-dedans, là. Ça va nous aider à voir clair, qui va passer du temps, qui va chercher, qui va nous aider à faire les pas pour nous redresser. Qui va dire ça, c'est une fable, ça, c'est un conte, ça, ça vient de Dieu, puis ça, ça vient pas de Dieu? Qui va nous aider à faire ça? Le souci, c'est pas, si vous, quand c'est le temps de soutenir un ancien, si vous pensez à la personne que vous voulez soutenir, vous faites une erreur en partant. C'est pas la personne que vous voulez soutenir. C'est l'œuvre de Dieu que vous voulez soutenir qui va rester droite. C'est pas la personne. Si je pense à la personne, je vais trouver mille raisons de pas le soutenir. Il va toujours trouver une raison de ne pas le soutenir. Il y a de l'argent, il est jeune, il est capable de travailler, blablabla. Il va toujours trouver une raison de ne pas soutenir le gars. Mais si c'est Dieu, c'est une histoire. Je ne crois pas que Dieu donne un choix à l'Église ici. Paul ne dit pas, si ça vous tente, vous ferez ça. Là. Non, il dit, vous ferez ça. Et donc, je crois qu'il faut, apprendre à comprendre, je vais le faire. Parce que si tu penses que l'ancien ou qu'un ancien dans l'Église ne dirige pas bien et ne se consacre pas à la prédication, à l'enseignement, enlève-les de là. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, réprimande. Laisse-les pas faire. Laisse-les pas continuer. Ils ne dirigent pas bien, puis tu les laisses continuer. Mais vous allez vous remonter dans le champ de patates, c'est vrai. S'ils n'enseignent pas, là, s'ils ne prêchent pas, si vous payez pour qu'ils vous enseignent, puis il va faire du ski nautique, je ne sais pas quoi, mais il va se promener. Il fait n'importe quoi, mais il ne fait pas ça. Ben enlève-les de là, là. C'est pas pour ça que tu veux le soutenir. Parce que toi, tu as besoin. Et ça, je vous dis, c'est pas facile pour vous et pour moi de croire qu'on a besoin d'être dirigé. On a besoin que quelqu'un nous pointe le chemin vers Dieu. On croit, moi j'ai vu ça depuis 50 ans. Les chrétiens croient qu'ils sont corrects avec le Bible chez eux. En grande génération, ils croient qu'ils sont corrects chez eux. Ils ne croient pas vraiment qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va les pointer continuellement vers Dieu. Qui va dire, c'est pas ça que Dieu dit, selon mes recherches, Dieu a dit ça. Là. Et on ne croit pas ça. Fondamentalement, on ne croit pas. Donc, il dit, pensez à bien à ça. Là. L'Église a besoin de ça. Donc, c'est pour ça que vous allez voir Paul, ou Tite, ou Timothée, ou n'importe qui, les premiers temps qu'ils vont commencer des Églises, une des premières choses qu'ils vont faire, ils vont mettre en place des anciens. Parce que Paul sait très bien ce que ça va s'en aller s'il n'y a pas ça. Puis je ne dis pas que c'est juste une responsabilité d'une personne, mais c'est parce que si tout le monde se met ensemble et dit « c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on est prêt à investir », ça veut dire que tout le monde s'implique, ce n'est pas juste une personne. Parce que lui, il n'est pas capable de faire tout ça. S'il n'est pas soutenu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher une job. Puis moi, je crois qu'au Québec, depuis que je suis dans le ministère, ça fait 47 ans, 45 ans, il y a plein de pasteurs qui sont partis. Parce qu'ils n'étaient pas fait vivre la famille. Simplement, ils n'étaient pas fait vivre la famille. Ah, je ne suis pas en train de dire qu'ils étaient tous, dirigeaient tout bien, tout ça. Mais, est-ce que... Moi, je regarde ma vie, ça va regarder chacun notre vie personnelle. C'est pas les autres, c'est juste moi, puis Dieu. Puis, comment je me vois là-dedans à travers les... Moi, ça fait 47 ans que je suis chrétien. Est-ce que je l'ai fait, moi? Est-ce que j'ai vu mon besoin, puis j'ai dit, je vais m'impliquer là-dedans? Je vais m'impliquer. dans la vie de ceux qui enseignent, ou prêchent, parce que j'ai demandé de le faire. Si je demande de le faire, je vais m'impliquer dedans aussi, parce que j'ai demandé de le faire. Si je n'ai pas demandé de le faire, bien là, je vais le laisser faire. Et si je crois que j'en ai besoin, on investit toujours où est-ce qu'on croit qu'on a besoin. Et je crois que si le besoin... Et pour moi, c'est pas juste la personne a des besoins. C'est que l'Église a un besoin d'être dirigée pour ne pas s'égarer, pas s'en aller dans toutes les directions possibles et imaginables. Et si vous pensez que ce n'est pas la réalité, lisez le Nouveau Testament, vous allez voir. Dans tous les épîtres, Paul parle qu'il y a des faux docteurs, des faux prophètes. Mm. Paul il dit lui-même aux anciens d'Éphèse, il dit, je m'en vais, là, moi j'ai fini ma job. Puis il dit, il va venir en arrière de moi des loups qui vont déchirer le troupeau. Vous êtes bien mieux vous préparer. Donc, c'est un... Paul savait, par expérience et aussi par les Écritures, il savait ce qui se passait. Donc, c'est pas que je pense à une personne, c'est que je pense à l'œuvre de Dieu, à la colonne de l'appui et de la vérité. Je pense à ça en premier. Puis là, maintenant, je peux dire, lui n'est pas digne, mais je vais en soutenir un autre que moi je pense qu'il est digne. Ben, ce n'est pas une question si je vais soutenir. Je vais soutenir, je vais aider. Si lui n'est pas digne de ça, je pense, moi, honnêtement, devant Dieu, devant la prière, je pense qu'il n'est pas vraiment à sa place, mais je vais en soutenir un autre que je pense qu'il est à sa place. Ce n'est pas bien compliqué pour moi dans ce sens-là. Parce que Dieu me demande de le faire, donc ce n'est pas question de savoir si je peux ou pas. C'est Dieu me demande de le faire, donc je vais le faire. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il dit ça ici. Ça, c'est... Je pensais que tu levais la main, Gaëtan, excuse-moi. Donc, pensez pas à la personne. Si vous pensez à la personne, vous allez avoir tout de suite des idées, positives ou négatives. C'est pas ça. Je vais penser aux besoins en premier. Si on pense aux besoins, là, c'est comme l'auto tout à l'heure. Nous, on s'en fout de la cravate, on s'en fout du char, on s'en fout de la couleur, on s'en fout de ci. Ce qu'on veut... Si on veut quelqu'un qui est capable de nous diriger vers Dieu, qui est capable de nous dire ce que Dieu a dit, ce que Dieu a voulu nous laisser savoir par les Écritures. Donc, c'est dans ce sens-là. Et là, dire, mais maintenant, qui est le plus équipé, qui est le plus capable et qui veut le faire, puis qu'on va nous autres dire, on va investir en toi pour le faire. OK? Mais il y a l'autre côté de la médaille. L'autre côté, c'est ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Donc, il y a un côté réprimande de la part des anciens. Il n'y a pas juste un côté positif. Donc, les pasteurs ou les anciens ne sont pas immuables, ne sont pas irréprochables, ne sont pas toujours parfaits. Donc, s'ils s'en vont dans une mauvaise direction, tu dois reprendre. Pas pour l'écœurer, pas pour te montrer plus fin. C'est que tu as un souci de garder la vérité, là. Tu as un souci de dire, si on laisse aller, là, on va prendre le chemin avec le temps. Là. Comme Paul a fait avec Pierre. Oui, s'il n'aurait pas repris là, on aurait laissé croire aux Galatiens que, oui, c'est bon de manger avec les païens, mais c'est mieux avec les Juifs. On allait laisser rentrer une idée là-dedans que, ouais, mais dans le fond, là, c'est acceptable pareil, mais Paul n'est pas capable. Paul se lève et dit, Pierre, ce que tu as fait là, c'est pas correct. Tu ne manifestes pas la foi que tu proclames, mon Pierre. Que tes babines, non, que les bottines suivent les babines, Pierre. Tu dis que le salut, c'est pour tout le monde et tout le monde sont égales. Bien, fais pas de séparation maintenant quand tu manges. Mange avec tout le monde. Païen ou pas païen, donc juif ou pas juif. Sinon, j'avais tout le monde, tous tes frères, c'est des frères dans la foi. Donc, il dit, que ceux qui ne reçoivent pas d'accusation, ça se peut pas qu'il y ait des accusations contre des anciens, c'est impossible. Non, il peut y avoir des accusations. Le conseil que je te donnerais, je crois que c'est une des raisons qui s'est marquée ici. Si tu penses que quelque chose d'un ancien est reprochable, il ne dirige pas bien, ou il ne fait pas sa job. Tu le payes pour faire de la prédication, puis tu penses qu'il ne le fait pas comme il faut, ou il ne fait pas comme il devrait le faire. Moi, je te dirais, avant d'aller parler, regarde, ouais, si tu ne pourrais pas trouver deux, trois témoins qui vont penser comme toi. Ça va peut-être t'empêcher de parler pour rien, puis faire de la médisance ou de la calomnie. Pense-y, là, est-ce que je pourrais trouver deux, trois autres personnes dans l'Église qui ont la même idée que moi par rapport à ça? Si oui, va voir les autres. Puis parle-en. Puis amène tes deux ou tes trois témoins, puis va leur parler aux anciens, aux autres anciens ou à l'Église, dépendamment dans quel contexte on est. Et dis-leur ce que tu as entendu, ce que tu as vu. Mais tu as deux ou trois témoins, tu n'es pas tout seul là-dedans. Parce que des fois, c'est très personnel, hein? J'aime pas sa cravate, là. Je ridiculise ça un peu, là. Mm-hmm. Ou j'aime pas la façon... Je me souviens, il y avait un frère on était dans une église, puis il y a un frère qui se lève après la prédication, puis il dit au pasteur qui venait de finir, il dit, t'as pas le droit d'être plate de même quand t'enseignes! Il a dit ça à plein d'églises un dimanche matin, là. Tout le monde a haï le gars. Il a pas haï le pasteur, ils ont tout haï le gars pour l'avoir dit comme ça. L'avoir fait de cette manière, là. Tu as peut-être le droit d'aller voir le pasteur après, d'y parler, d'y jaser. Ben, tu pourrais-tu te mettre un peu plus réveillé? Lui, il est parti, le pasteur est resté là pendant 10 ans, tout le monde a grandi dans la foi. Là. Lui, c'était personnel. Il n'aimait pas ce genre de pasteur là, qui parlait toujours sur le même ton. T'sais, pas d'exclamation, toujours mollo. Là. Puis c'était sa personnalité, le gars. Je le connaissais, on le connaissait en dehors. Là. Même sa femme, elle brassait des fois, elle disait, « Mais, on peut plus vivant, tu sais, là. » Il était toujours un peu sur le même ton, le gars. Il avait toujours un... Il était monocorde, comme on dit des fois, là. Mais c'était un gars qui avait une bonne connaissance des Écritures, puis il enseignait les Écritures. Mais pas, là. Hein? Mais non. Pas. Mais là, mais si je te dis, j'aurais dit, je pense que c'est vraiment mal, ce qu'il fait, là, parce qu'il marquait ses pêches. Je sais pas... Il y en a deux, trois qui pensent comme moi. Je dis, ben, non, je pense pas comme toi, moi, là, tu sais, là. Mais il y a peut-être, t'aurais dit, bon, je vais me taire, tu sais, je vais me taire. Mais ça ouvre la porte quand même à un petit peu de trouble faire ça, quand même. Je trouve de. Tu sais, mettons, tu penses qu'il n'est pas correct dans ce qu'il a dit, puis là, tu commences à faire le tour pour trouver deux, trois personnes. Il faut que ton motif soit vraiment le. Non, mais je n'ai pas dit que tu vas les voir. Tu vois, tu penses dans ta tête, tu en trouverais deux, trois que tu penses qu'ils sont comme toi. Tu ne veux pas les voir et lui demander, elle ne fait pas le tour de l'église. Toi, dans ta tête, je veux dire que toi, tu prends un temps. Tu fais un peu un recul, dire je pense qu'il y en aura deux, trois qui pensent comme moi. Je suis seul à penser. Je pense que tu es seul. Je n'ai-tu déjà d'autres qui m'en ont parlé? Tu es déjà d'autres? Je n'ai-tu entendu parler ailleurs? Personne. C'est juste moi qui pense de même. C'est-tu péché, ce que je pense? Moi, il y a un frère, un moment donné, qui m'a accusé de péché à l'église, où je travaillais. Puis il est venu me voir. Il me l'a dit. Je dis, il me semble que non. Il me semble que non. Mais il dit, peut-être. Il me semble que non. Il dit, je vais aller chercher deux témoins. Il est parti, il est allé chercher deux témoins. Puis il est revenu me voir avec deux témoins. Puis il a donné sa version, puis moi j'ai donné la mienne. Les deux témoins se sont retirés, puis sont revenus, puis ont dit, t'as tort, on croit que François a raison. Ça a arrêté là. Ça a arrêté là, c'était fini. Ça n'a pas été plus loin. Parce qu'on doit se méfier de soi-même. Si c'est personnel à moi, j'aime pas son ton, j'aime pas sa cravate, j'aime pas la façon qu'il parle, j'aime pas si. Il est en retard tout le temps. Ça, c'est personnel. Ça n'a pas rapport avec l'enseignement des Écritures. Mais il dit, si tu penses qu'il y en a deux, trois qui sont comme toi, là, tu peux passer à l'action. Tu vas le voir, tu peux le voir le tuteur, tu peux en parler avec d'autres. Mais là, il va dire, si tu trouves ça, puis il y en a vraiment deux, trois là, qui sont d'accord, ben il dit, reprends-les devant tous. Là, je me suis posé le tous. C'est qui, le tous? Mais selon vous, là. C'est l'Assemblée, les chrétiens qui sont là. Les chrétiens, y a-t-il une autre possibilité? Parce que là, il vient de dire, n'accepte d'accusation contre un ancien que sur des positions. Mm-hmm. Après ça, ici, ceux qui pêchent, reprends-les, ils tombent dans le pluriel. Mm-hmm. Donc, c'est encore des anciens qui pêchent. Oui, je crois qu'il passe encore des anciens. Okay. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Afin que les autres, anciens. Moi je dirais les autres anciens, OK? D'un bas ou l'autre, si on pense que c'est toute la foule, il faut faire plus toucher, OK? Mais si tu le fais, c'est qui tu veux qu'il y ait des craintes? C'est ceux qui ont la même position, c'est pas tout le monde dans l'Église qui veut qu'il y ait des craintes. Je crois qu'il parle plutôt des anciens. Mais si vous voulez prendre le côté d'aller à l'Église, oui, peut-être que ça peut arriver là, puis dire à l'Église. C'est surtout si vous êtes, si on sera ici, nous autres, là, nous autres, ben, il n'y a rien qu'un ancien, on ne peut pas aller voir les autres anciens, il n'y a pas de personne qui va avoir des craintes. Mais si on est dans une Église qui a plusieurs anciens, mais tu voudrais que les autres anciens comprennent aussi, là, qu'ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Qu'il y a des gens qui veillent, il y a des gens qui regardent, des gens qui écoutent. Et que peut-être qu'ils vont avoir de la crainte, eux autres, là. Et je crois que c'est plutôt les anciens dont il parle. Et ça, à cause du contexte ancien ici. Dans d'autres contextes, quand on parle de la discipline, on parle de l'Église en général. Si un frère a péché contre toi, là, c'est plus général. Mais les anciens, ils semblent dire, c'est peut-être bon que tu... Puis moi, je crois que le fait de le dire, la gang, s'il y a plusieurs anciens, ça va être eux autres qui vont être les mieux équipés pour en parler. Est-ce qu'il s'est vraiment trompé? Est-ce que sa doctrine est vraiment accroche, si quelqu'un l'a dit? Et ça pourrait être ça. Mais je n'ai pas de problème avec si on dit tous c'est l'Église ou si on dit tous c'est les autres anciens. Je n'ai pas de problème. Mais il y a réprimande à faire. Il y a réprimande à faire. Mais ça, pour faire réprimande, il faut être alerte. Il faut être alerte. Il faut qu'on soit éveillé. Moi, là, quand Denise a chauffe, des fois, là, si je m'endors, je ne fais pas de plainte jamais. Je n'ai jamais affaire, non, oui, mais... Oh, non, non. Mais quand je dors, ou quand elle adore, elle ne fait pas de plainte contre moi, elle ne voit pas agir. Dans l'Église, c'est la même chose. Si je dors, puis je ne m'occupe pas de l'Église en général, ben, je ne verrai pas les problèmes, je ne verrai pas les difficultés, je ne verrai pas qu'il y a quelque chose qui s'en va de travers. Ça va être plutôt, je vois l'Église, si je vois l'Église deux heures dans la semaine, je ne suis pas conscient de tout ce qui se passe. Là. Tu sais, dimanche, je me rappelle ça, dimanche, c'est beau. Tout le monde est bien habillé, tout le monde est le fun. Mais est-ce que je vois vraiment, plus je vais côtoyer l'Église, plus je vais être au conscient de l'Église, plus je vais connaître l'Église, plus je vais être conscient des problèmes de l'Église. Et là, c'est normal que ce soit comme ça aussi. Donc, je vais prier pour ces hommes-là, je vais prier pour les gens, je vais prier que Dieu les garde, puis je prends mon rôle à cœur. Je l'ai mis en place, le gars. On le paye, le gars. Je vais prendre mon rôle à cœur. Je vais veiller, voir s'il fait bien son travail. C'est normal qu'on le fasse de même. Puis c'est santé de le faire de même aussi. Je vais veiller, voir s'il le fait bien. Okay? Donc, mais si je le fais pas, mais là, je deviens comme, il va faire des erreurs, il va peut-être partir croche, puis je le verrai pas. Je ne le verrai pas tout simplement. Donc, mais de garder cet équilibre-là entre honorer et reprendre, pas évident. Tendant, des fois, on les met sur des piédestals, puis là, on découvre quelque chose, puis on plante bien comme il faut. Et des fois, c'est les voisins qui nous le disent. Hein? J'ai déjà été vécu dans une église, mais les voisins ont fini par nous dire qu'il y avait des valeurs dans notre église. On n'était pas assez conscient de ça. Et c'est les inconvertis qui ont venu nous dire que le chrétien qui était dans l'Église volait le monde. Nous, on dit, t'as peur, ça ne marche pas de moi. Ils savaient ça quand même. Parce qu'ils ont eu affaire dans le même business que les autres qu'ils lui faisaient. C'est pareil comme si un électricien venait nous dire, ils font un rush, ils font des jobs en moitié, puis ils volent, ils mettent du faux stock, ils mettent du vieux stock. On serait un peu surpris. Mais là, c'est des... Puis nous autres, on n'a pas cru sur parole. On est allé vérifier. Puis c'était exact, là. Exact, là. Donc, on a mis sous discipline. Ça n'a pas été tellement long. On a dit, wow, t'es un petit gars. Tu pourrais plus travailler. C'est comme, il était diacre dans l'église, en plus. Il a dit que c'était pas une journée très belle, là, pour nous autres. Là. C'était pas... Mais... Il y avait action qu'on va voir. Mais c'est sûr que nous autres, on est pas des fois assez conscients. On peut pas tout voir, hein, je comprends, là. Mais il faut être conscient. Si je mets en place, tu as déjà eu des employés, bon, hein, ces employés font quelque chose de grave, c'est toi finalement qui vas être puni. Là. Fait que tu t'en occupes, tu vas voir le job, tu t'informes, tu regardes, parce que ton nom est là-dedans aussi. Là. Fait que tu veux te surveiller, c'est normal, tu te surveilles. Et dans l'Église, c'est pareil. Il faut que je prie, il faut que je m'occupe, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille parler avec. Il faut que je parle avec le pasteur, je peux lui demander aussi comment ça va toi, là, dans ta vie personnelle, spirituellement, ça va comment, c'est ainsi. Tu peux le demander aussi, là. Tu as le droit. Là, ce que tu dis, là, c'est comme très théorique, là. Mais est-ce que ça s'est vu, puis que des anciens vont suite à la réprimande, ils vont se repentir et ils vont réaligner? Mm. Ça s'est vu? Okay. Mm. Pourquoi tu penses que ça ne pourra pas arriver? C'est un chrétien comme les autres. Oui, oui, mais moi j'aime les belles histoires et je n'étais pas sûre que ça se pouvait. Bien, ça se peut, si ça se peut sur les autres chrétiens, ça se peut sur les pasteurs aussi. Parce que c'est juste des chrétiens. Si tu penses qu'ils ne peuvent pas, c'est que tu l'as mis sur un piédestal, à quelque part. Parce qu'il va pécher. C'est une question de temps. C'est pas s'il va pécher, c'est quand il va pécher. C'est parce qu'il me vient en image, mettons, qu'il y a trois anciens, que je ne sais pas, peu importe, puis qu'eux, ils pensent comme ça, ils sont comme dans le conseil, puis ils pensent comme à unanimement la même chose. Puis toi, ou dans l'assemblée, tu dis, oh, là, l'Église vers ça, puis c'est pas de Dieu. Puis tu appelles un autre pasteur que tu connais, genre. Ouais, c'est là, tu parles de tu parles doctrinalement parlant. Oui. Pêche, la doctrine est emmenée faussement. Là, toi, tu n'as plus de choix. Là, parce que c'est pour aller à un autre endroit. C'est vrai. Là. C'est le choix. Si tu te dis, ben, je suis allé les voir, puis les 400 anciens, puis l'Église en général semble accepter la vérité, que c'est ça la vérité. Moi, je crois que c'est pas ça. C'est important. Là. C'est pas juste si on prend du pain sans levain ou pas. C'est quelque chose d'important. Ben, je vais quitter. Je vais me joindre à une église qui croit conforme, selon moi, ce que je crois qui s'est conforme. Okay? Là, ce n'est pas juste que je n'aime pas sa cravate. C'est que la doctrine n'est pas respectée. On n'est plus l'appui et la colonne de la vérité. On est en train de s'éloigner. Puis tout le monde semble accepter qu'on s'éloigne croche de même. Donc, je vais reprendre et je vais m'en aller ailleurs parce que je pense qu'il y a un enseignement plus propice. Mais, règle générale, c'est... Si la relation entre les anciens ou l'ancien ou les anciens et l'Église, elle est favorable, elle est bonne, elle est réelle. C'est pas juste, je vais à cette Église-là puis je vais aller reprendre le pasteur. J'ai une relation avec ce frère-là, comme avec les autres frères de l'Église. Il vient manger chez nous, je prends une bière avec, on s'assied, on va en vacances ensemble. C'est un quelqu'un que je connais. C'est pas la même chose. Mais si tu parles d'aller reprendre un pasteur que tu vois juste le dimanche matin, 2 heures, là, c'est une autre affaire. Ça veut pas dire qu'il va t'écouter pantoute. Parce que tu n'as pas de relation avec. Tu veux juste l'écouter le dimanche matin, il ne te connaît pas, il ne sait pas ce qu'il y a dans ta vie, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie non plus, en général. Mais si tu le connais bien, si tu as une relation avec, et il va peut-être écouter plus facilement. Mais c'est n'importe qui, ça. C'est pas juste pasteur frère dans la foi. Tu as ça dans les couples, tu as ça dans les familles, tu as ça dans n'importe où. Si tu n'as pas une relation favorable avec quelqu'un, tu es bien mal vu d'aller le reprendre. Parce que c'est pas là que tu devrais commencer. Mais si tu commences par dire, je vais garder un œil, je vais avoir une relation avec ce frère-là, parce qu'il a un rôle important dans ma vie, je vais parler avec, je vais jaser avec, je vais prier pour lui, je vais l'inviter chez nous, qu'il connaisse ma femme, mes enfants, mes amis, et je vais avoir une relation avec lui. C'est quoi que ça devrait être demain, comme avec tous les autres frères. Mais on a tendance, dans notre génération, à nous, on a vu les pasteurs des années 80, un peu comme les curés de la paroisse. Des gens un peu plus hauts que les autres, un standard différent. Puis on les invitait pas, on les voyait pas comme des gens qui sont sur le même plancher des vaches que nous autres. On les voyait pas comme ça. On avait de la misère à le voir comme ça. On avait un petit peu comme, aller reprendre le gars, mon voisin, puis aller reprendre Justin Trudeau, ça serait un petit peu différent. Hein? Ça serait un petit peu plus gênant, demandant de le faire. Mais dans l'Église, ça ne devrait pas être de même. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés, puis ça va tout couler comme du lot. Non. On va voir que le texte va venir nous rejoindre bien plus facilement qu'on pense. Verset 21. Donc, que ce soit l'Église ou les autres anciens, on reprend pour que les autres éprouvent de la crainte. On ne laisse pas passer tout de suite, là, nous autres. Les gens savent qu'il y a on appelle ça de la redevabilité. Dans l'Église, on se connaît, on se visite, on se parle, on s'encourage. Et souvent, c'est parce qu'on est distant. Surtout dans les grosses églises. Nous, on a un petit peu un privilège ici. On se connaît tous, on mange ensemble, on est allé en vacances ensemble. On a fait beaucoup plus de choses ensemble. Mais dans les grosses églises, là, tu sais, de 300, de 500, là, combien de fois ils vont parler au pasteur dans l'année, vous pensez, là? Puis là, il est toujours en avant avec des diacres, puis sa cravate, puis il a toujours l'air tellement au-dessus de tout ce que nous autres, on vit, les communs, les mortels. Fait que là, on a de la misère à s'approcher de ces gens-là. Même si on voit de l'erreur, on a tendance à ne pas le faire. Puis, on n'a pas juste ça. On a la pression des gens autour de nous autres. Hein. Puis eux autres sont bien satisfaits, eux autres sont bien contents, puis eux autres votent pour, puis eux autres sont heureux de ça. C'est une pression qui vient aussi. Hein? On a cette pression-là quand on veut évangéliser. La masse est contre nous, on le sait. Fait que c'est pour ça que c'est un peu plus dur. Si la masse serait avec nous autres, on aurait pas mal moins de misère. On a pas mal moins de lutte. Il y a aussi le fait que l'enseignant, ou ceux qui sont anciens et qui sont trempés dans les Écritures, la personne qui est assise, elle n'est pas trempée dans les Écritures. Mm. C'est dur d'enseigner par autant de 5 ans. Règle générale, tu donnes le bénéfice du doute. Tu donnes le bénéfice du doute. Et là, tu vois, j'ai mal compris, j'ai-tu bien compris? Moi, je le sais, toi, tu ne le sais pas. Là, c'est comme ça, là, je suis là, okay? Parce que le gars, là, si moi, je vais voir Gaëtan au garage, je dis, moi, je le sais, là, tu vas changer ça dans mon char. Mais il fallait d'autres moments, si tu sais ce qu'il y a. Moi, je te dis, c'est pas ça. Pas ça le problème, c'est ça. Non, je sais c'est quoi le problème, c'est ça, là. Mais là, je m'estime le gars qui ne connaît rien avec le gars qui a fait 50 ans de mécanique. Tu sais, là, ça a l'air un peu fou, l'affaire, là. Et dans l'Église, c'est un peu pareil. Je vais donner un peu le bénéfice du doute au gars qui ça fait 30 ans, 40 ans, qui étudie. C'est normal que ça fasse ça. Ça veut pas dire qu'il a toujours raison. Mais on va l'approcher avec un bénéfice du doute, un peu. Tu sais, en voulant dire, bien, ce que tu en penses, est-ce que les autres anciens sont tous d'accord avec toi? Est-ce que tout le monde pense comme toi ici dans l'Église? Tu sais, les autres anciens, oui, on en a parlé, puis on est tous d'accord avec ça. OK. Là, tu peux en parler avec un autre, lire un livre sur le sujet, pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Et tu vas probablement trouver quelqu'un qui est d'accord avec toi. En lisant des livres, en parlant avec d'autres. Tu te dis, ben, je ne suis pas la seule qui pense de même. Mais dans mon Église, on pense autrement. Je fais quoi avec ça? Je l'accepte-tu? Parce qu'on est en démocratie. Toutes les gens sont d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai des choix. Soit je suis pas, je suis pris, ou soit je m'en vais. Je vais faire la job ailleurs. Mais ça ne m'empêche pas d'aller le dire ou d'aller demander des explications. Des fois, ça peut être un manque de compréhension. Dire, bien, j'ai mal compris ce qu'il a dit, ou je ne suis pas capable de faire le lien avec ce qu'il a dit et ce que j'ai entendu. Surtout si vous changez d'église, c'est encore pire. Et si vous allez dans une autre église la semaine prochaine, vous allez dire, oh, qu'est-ce qu'il dit là, lui? C'est pas de ça qu'on a entendu depuis 10 ans, nous autres, là. Ça veut dire, mais tu es dans l'erreur, toi, là. Pourquoi? François l'a dit. Là, on est mal parti. Si vous allez les reprendre, dites pas François l'a dit. Okay. Dis la parole de Dieu semble dire. Ça va sera mieux comme ça, OK? Regardez bien ce qui va arriver par après, c'est intéressant. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Donc, il met du poids, là, hein? Je prends devant Dieu et devant Jésus-Christ, devant les anges élus. Observe ces choses. Les choses, c'est honorer ou double honneur et la réprimande, les deux. Observe ces choses. Sans prévention et de ne rien faire par faveur. L'être humain, hein? On a tendance. Par faveur, c'est lui, tu sais, là, tu sais. C'est le pasteur de l'Église, on ne peut pas lui dire ça, là, tu sais. Oh, c'est lui, oh, c'est elle. Non, Paul dit à Timothée, si un ancien, même si c'est ton père qui va croche, tu devais le reprendre aussi. Mais c'est pas facile, quand c'est ton, mettons, c'est ton père ou ton frère. Moi, j'ai connu des assemblées où les frères sont dans l'Église. Puis c'est le pasteur, c'est le deux frères en avant. Ils le voient pas bien plus haut qu'eux autres, dans le plancher des vaches, là. Moi, j'en ai eu, j'étais déjà dans une église, mon frère, mes frères étaient là, ma soeur était là, et ils te regardent pas de la même œil que tous les chrétiens en général. Les autres, ils t'ont vu en couche, puis ils ont des coques sur la tête. Puis... tu sais, ils t'ont vu de toutes sortes de façons, là. Puis ils connaissent tes faiblesses, ils connaissent tes problèmes, les autres, là. Ils t'ont vu, les autres, là. Fait que les autres, ils ont pas trop, là, tu sais. Ils ont pas mal moins peur. Puis les autres, ils peuvent te dire plus ouvertement. Mais Paul, il dit à Timothée, la tendance naturelle, c'est de faire ces choses avec prévention et avec faveur. On a tendance à jouer la carte, les cartes, puis pas se faire trop haïr, puis pas se faire se mettre de côté, puis pas se faire tarder. On a tendance à faire ça. Puis je crois que Timothée, naturellement, a de la misère à le faire. Puis je crois qu'il n'y a personne d'entre nous qui dit... « À soir, je vais avoir une belle soirée. Il faut que j'aille réprimander un frère. Je vais avoir toute une belle soirée. J'anticipe tellement ça. Il n'y a personne qui pense ça. Si vous pensez de même, allez-y pas. Surtout, allez-y pas. Mais en général, quand on sait qu'on doit les reprendre, on est nerveux, on a peur. On a peur du rejet, on a peur de la confrontation. On a peur, c'est normal. Ça fait partie de notre désir de plaire, notre désir de vouloir être accepté. On a peur. Là, il va dire au verset 22, « N'impose pas les mains à personne avec précipitation. Ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. » Donc, il dit, « Hey, fais attention là. Avant de mettre quelqu'un comme ancien ou comme un diacre ou une veuve qui est véritablement veuve. Parce que imposer les mains, ça veut dire quoi pour vous autres? En partant, là, on va poser la question. N'impose pas les mains. Vous ne m'avez jamais vu faire ça, d'imposer les mains à quelqu'un. Je n'impose pas les mains. Je n'ai jamais imposé les mains à personne dans l'Église depuis 47 ans de vie chrétienne. Je n'ai jamais fait ça. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par n'impose pas? Il y en avait parlé avant. Là. Tu sais, rappelle-toi lorsque tu... Paul avait imposé ses mains pour les dons. Oui. Il y a différentes raisons d'imposition des mains. Mais ça veut dire quoi en général? Pour nous autres, ce n'est pas dans notre culture, l'imposition des mains. J'ai-tu compté l'autre jour? Il y a une annonce, là. Si ma mémoire est bonne, c'est Canadian Tire, en tout cas. Puis c'est, l'annonce est faite avec une famille d'Asiatiques. OK? Et quand les parents arrivent, la fille pogne la main de son père, elle se met dans le front. Là, dans ma culture, elle dit que il y avait une mouche là, tu sais, je sais pas quoi. Tu sais, moi, dans ma tête, ça veut rien dire, ce mois-là, mais si elle a embrassé la bague, on connaît les affaires des gestes. Mais ce geste-là, je ne l'avais jamais vu. Mais dans leur culture, ça veut dire de quoi? C'est-tu la bénédiction? C'est une forme de respect? C'est une... Mais d'imposer les mains, c'est une façon de parler. N'impose pas les mains à personne avec précipitation. Donne pas ton appui à tout le monde trop vite. C'est ça que ça veut dire. Nous autres, on dirait, donne-y pas la main trop vite. On va dire, d'accord. Je suis d'accord avec ça. Ne donne pas ton appui trop vite. Parce que si tu donnes ton appui trop vite, tu vas participer au péché d'autrui. Parce que là, tu donnes ton accord. Mais peut-être aller trop vite. Soit un accord ou un désaccord, un des deux. Là, fais attention à comment tu vas faire les choses. Mais ça revient au pasteur qui serait trop jeune. Attends, c'est le même principe. C'est toujours le même principe. Si je le mets vite, c'est un bon gars, c'est le gars du pasteur. Il est bien instruit, on va le mettre. Il est jeune, c'est pas grave, on va le mettre en place parce que là, on va trop vite et on ne suit pas les. On va faire une faveur à quelqu'un. Non, il ne fait pas ça. Prends ton temps. Toi-même, conserve-toi plus. Donc, il ne faut pas que ça y aille contre tes convictions à toi. Il ne faut pas que ça y aille contre la foi. Il ne faut pas que ça y aille que ce que toi, tu crois. Donc, ne te laisse pas embarquer là, en faisant des faveurs ou tu as peur de le dire ou tu as peur de reprendre. Laisse-toi pas faire, Timothée. Donc, on se demande qu'est-ce que ça vient faire. Ne continue pas à boire que de l'eau. Fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et tes fréquentes impositions. Indisposition. Merci. Là, tu dis à toi-même, tu as ça bien fait la pharmacie, cette là, tu es en train de parler des anciens, de les reprendre, fais attention. Mais Timothée, là, prends un petit peu de vin, ton mal d'estomac, tes indispositions. Puis là, il revient tout de suite après, les péchés de certains hommes. Là, tu dis à toi-même, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Est-ce que Paul a eu une inspiration que le vin, ça sera bon pour lui, là, sur le coup sec, là? Il savait que Timothée avait des problèmes d'estomac, je crois. Des problèmes d'estomac, et est-ce que Timothée ne savait pas que le vin était bon pour son mal d'estomac? Est-ce que Paul a eu une inspiration, là? C'est le seul qui savait ça. Ou c'était culturel, j'aurais tendance à croire que c'était naturellement, on faisait ça dans la culture. On nettoyait les plaies avec du vin, le vin était utilisé à différentes sauces à cette époque-là. Donc, en disant que toi-même, garde-toi pur, puis cesse de boire que de l'eau, on dirait que c'est contradictoire, parce que de l'eau, personne ne peut nous reprocher de boire juste de l'eau. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment, là, t'es correct. Mais si tu prends du vin, tu vas vers du discutable, c'est comme plus libéral, là. C'est pas tout le monde qui voudrait. Fait que c'est comme il est en train de rééquilibrer. Dans ce temps-là, l'eau n'était pas peut-être pure comme on croit aujourd'hui. Ce que j'avais lu, là, c'est que l'eau était claire, mais elle n'était pas nécessairement buvable. Quand je suis allé en France en 1960... Parce que les animaux, Ils font dedans, là, oh, oui, de plein de bactéries. Oui, donc les animaux, je veux dire, l'eau potable, comme. Moi, ce que j'ai lu, il y avait comme une source qu'il y avait à Jérusalem, souvent les sources, c'est, l'eau n'était pas potable, parce qu'il y avait du sulfure, ou. Elle avait l'air bonne, elle était. Que, mais pourquoi qu'il dirait ça juste à Timothée? Ouais. Dans ce contexte? Puis comme si Timothée ne le savait pas. Ouais. Si c'était culturel, tout le monde l'a reçu. Non? Ouais. Je ne pense pas qu'il s'adressait directement à lui. Pour dire, hey, t'as mal à l'estomac. Je ne pense pas que ce soit ça. En tout cas, on va voir. Il y a deux, moi, il y a deux raisons. Moi, quand c'est pas clair, je mets toutes mes raisons, mes petites colonnes. Puis, c'est quelle qui fait le plus de sens dans mon texte? OK? De la façon que je perçois Timothée, je ne serais pas surpris qu'il y ait des problèmes physiques causés par le stress et l'anxiété qu'il avait de faire la job qu'il avait à faire. OK? Je pense que ça va se rejoindre là. Et deuxièmement, vous vous souvenez, dans l'Épître, on a vu que certaines personnes disaient de s'abstenir de certains aliments. C'est ça. Est-ce que Timothée avait arrêté de boire du vin parce qu'il y en a qui disaient qu'il ne voulait pas en boire? Oui, c'est pour ça que tantôt je disais, tu ne peux jamais te faire reprocher de boire juste de l'eau, c'est parfait. Puis là, Paul, il disait, bien, ça serait bon quand tu en prennes un peu, parce à cause de tes indispositions et tes maladies. Et là, ça ferait du sens dans le sens qu'il n'est pas préoccupé seulement par la santé de Timothée, il est préoccupé par le fait que Timothée a de la difficulté à faire ce qu'il a à faire. Ce qui cause le stress à Timothée, c'est le travail qu'il a à faire. Je vais vous dire, alors, il n'y a personne qui trouve ça drôle de reprendre, de corriger, de redresser. Il n'y a personne que je connais qui aime ça. La pression aussi. Donc, je crois que Timothée avait peut-être des problèmes là, et qu'à cette époque-là, on croyait que le vin pouvait aider. J'ai fait ça quand j'étais... Denise, j'ai dit, elle va le dire si je ne le dis pas. Elle va me dénoncer. Quand j'étais jeune chrétien, j'ai toujours eu des problèmes d'estomac, personnellement, depuis l'âge de 10-11 ans. Puis quand j'avais lu ça la première fois, j'ai dit, hey, moi, c'est ça. Non. J'ai tombé malade encore plus. Ça ne m'a pas aidé pantoute. Fait que j'arrête. Moi, j'étais un homme très obéissant. Prends un peu de vin, je prends du vin. Mais c'était pas l'Église qui me rendait le stress. Tu n'as pas parlé à ta femme parce que t'aurais dit, fais pas ça. Non. Non, mais là, ce qu'on a dit, c'est. Non, ça ne devait pas être le même sort de vin qu'on a. Mais parce que, dans la question, c'est. C'est sûr que j'ai pris du Saint-Georges. Moi, c'était une question physique. J'avais un problème physique. L'autre, c'était un problème de stress, plus c'était autre chose que moi. Mais en tout cas, on ne peut pas être sûr à 100%. Mais je crois que soit tu as ça. Mais regardez bien la suite, puis ça s'engendre. C'est pas par hasard que c'est marqué là. Le péché de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. C'est un dire, ça. Il y a des péchés qui sont évidents. Si je te vois, tu passes sur le bord de la rue, tu es en train de découper un enfant en terre, il m'a dit, c'est évident, mais il n'y a pas besoin d'un juge, il n'y a pas besoin de la police pour ça, ce que tu fais là, c'est mal, on le voit tout de suite. Mais il y a d'autres péchés qui vont sortir à la longue, OK? Qu'on va finir par voir sortir à la longue. OK? Ça, c'est un fait de la vie. C'est comme ça que ça marche. Tu maries quelqu'un et tu n'as pas vu tous les péchés qu'il y avait. Sans ça, tu ne l'aurais peut-être pas marié. Mais là, tu découvres, après 2 ans, 5 ans, ben, je ne savais pas que tu étais comme ça. Ah ben. Tu sais, là, on en trouve tout d'un coup sec. C'est correct. Ça fait partie de la game. C'est un fait de la vie. C'est comme ça. Mais regardez bien l'autre côté de la médaille. Demain. C'est comme ça qu'il veut encourager Timothée. De même, les bonnes œuvres aussi, c'est comme ça. Le même principe s'applique aux bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas tout de suite ne resteront pas cachées. Ça va finir par paraître. Donc, Timothée, fais le bien. Fais ce que je t'ai dit. Réprimande quand c'est faux qu'elle est réprimandée. Tu vas peut-être être critiqué, tu vas peut-être être chialé, tu vas peut-être être pris, tu vas peut-être avoir un mal au ventre, mais avec le temps, les bonnes œuvres s'en sortent. Puis tu vois, ça va voir que c'est la vérité qui a triomphé dans l'Église avec le temps. Je crois que c'est ça que le texte est en train de vouloir dire ici à Timothée. Parce que moi, je le mets dans le contexte de Paul qui parle à son petit gars dans la foi, puis qu'il connaît de sa personne, parce qu'il sait que Il y a souvent des indispositions, ça veut dire qu'il a vécu assez longtemps avec pour savoir ça, puis il a souvent mal à l'estomac. Donc, c'est... moi, si vous vivez avec moi pendant 10 ans, vous allez... ça ne s'apprendra pas 10 ans, vous allez savoir que j'ai des problèmes de digestion, d'intestin. De... mon père était comme ça, mes enfants sont comme ça. On a une génétique qui est problématique à ce niveau-là. Donc, mais Paul, il dit, sur le coup, ça paraît peut-être pas ce que tu fais. Mais la langue, ça va sortir. Comme pour le mal. Le mal, ceux qui font le mal, là, ceux qui font le mal là, alentour de toi, puis ils paraissent, tout le coup, ils paraissent bien. Mais avec le temps, tu vois, ça va sortir. Puis l'autre côté, du côté des bonnes œuvres, c'est que ça va faire la même chose. Donc ça, c'est les anciens. On les honore, comme on honore les veuves, comme on honore les serviteurs, mais on fait un double honneur à celui qui le fait à plein temps. C'est pas juste qu'il veut le faire à plein temps, c'est que nous, on veut qu'il le fasse à plein temps. Si on ne veut pas, on ne veut pas, là, on lui dit, là, OK, on ne veut pas que tu le fasses à plein temps. Mais si on le fait, il le fait à plein temps, puis qu'on veut qu'il le fasse à plein temps, bien, on va pouvoir à ses besoins. Puis vous ne pourrez pas trouver une raison devant Dieu pour vous justifier de ne pas le faire. Si vous en cherchez, là, vous êtes déjà coupable devant Dieu. Vous êtes déjà coupable. Si vous pensez que le gars ne le mérite pas, je vais voir que vous êtes sincère en avant. Vous allez vous occuper de quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes demandé de le faire. Donc, c'est pas, il n'y a pas d'argument avec Dieu dans ce côté-là. C'est pas... parce que, comme je l'ai dit, c'est pas l'homme qu'on veut juste dire, ben, le gars, il vit bien. C'est pas juste ça. Si, c'est plutôt la question... on a besoin de quelqu'un qui va redresser la situation. Le bateau s'en va croche. Puis on est dedans, puis on n'est pas été capable de le redresser. Ça va nous prendre quelqu'un qui va le faire, qui va nous aider à le faire. C'est ça qui est le but là-dedans. Si vous pensez que le gars ne le fait pas, enlevez-le de là. C'est votre devoir. Mais s'il le fait, c'est votre devoir de le soutenir. J'aimerais qu'on termine en... non, il est dit. non. Je voulais terminer une petite section, puis je vais parler des esclaves et des maîtres, puis on va revenir. Vous le lirez, les 3-4 premiers versets du chapitre 6. Il dit, il donne le comportement entre les esclaves et les maîtres. Il dit, la raison que je vous dis ça, là, c'est que la doctrine ne soit pas blasphémée. C'est drôle, hein? Il dit, tu devrais avoir un bon comportement avec ton maître qui n'est pas chrétien, ou si ton maître est chrétien, ou tes esclaves sont chrétiens, il y a un comportement à adapter afin que la doctrine ne soit pas blasphémée. Je ne sais rien faire là-dedans. Et ça va terminer cette clause-là, là, cette partie de l'épître. Ensuite, on va parler de quelque chose que vous aimez tous, l'argent. On va parler de l'argent après. Le texte parle de ça, que ce qu'on veut qu'on fasse, on va en parler. Et Dieu veut nous adresser ce sujet-là. OK, Gaëtan, à ton tour. Merci encore, François. C'est toujours des bons enseignements. Si vous voulez, monsieur, avec moi, j'aimerais qu'on tourne dans Luc 4, à partir du verset 14. Luc 4, verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonté, la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Puis il brûla le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et nous, aujourd'hui, on est ici réunis parce que nous croyons à cette prophétie d'Ésaïe. Nous croyons que Jésus va l'accomplir, il l'accomplit comme toutes les autres prophéties à son sujet. Nous avons cru en la bonne nouvelle qu'il a annoncée. Nous étions des captifs. Il nous a libérés. Nous étions aveugles. Il nous a donné la vue. Nous étions opprimés et il nous a libérés. Jésus dit dans Jean, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il y a un autre verset que Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus, c'est ça qu'il a fait. Il a donné sa vie pour nous. Aujourd'hui, frères et sœurs, arrêtons-nous. Arrêtons-nous pour réaliser l'amour de Jésus. C'est en prenant le temps comme ça de s'arrêter et de réaliser ces choses-là concernant qui fait que notre vie, on va voir Jésus, on va voir les Écritures autrement. Ce que le prophète Ésaïe a prophétisé, si Jésus n'avait pas jusqu'à la croix, tout ça, ça n'a pas lieu. On serait encore captif, on serait encore aveugle, on serait tout ça. Mais il a décidé de se rendre jusqu'à la croix. De cette façon, en se rendant à la croix, il a satisfait la justice de Dieu. Puis c'est ce qu'il voulait faire, Jésus, quand il a eu cette terre. Il voulait remplir son manteau. Ça, c'est ce qu'on appelle un amour divin. Et nous, il nous a donné à nous, les croyants, de contempler cet amour-là. Prenons le temps de contempler l'amour de Jésus. On va prendre le repas. On va passer les éléments, moi puis Céline. Et on va procéder de la même façon, mais j'ai fait le changement. Ça va être un autre chien que celui du dernier mois. Il est mort. Puis après ça, ben ceux qui voudront, on pourra savoir ce que c'est. Right. Rappelons-nous ce que Jésus a fait. Quand on s'arrête à ça, quand il est dans la chambre haute avec ses disciples, il sait qu'est-ce qui va lui arriver, je le dis souvent, mais il sait qu'est-ce qui va y arriver dans les prochaines heures. Puis là, il est en train de lui dire c'est que ce qui va lui arriver, mais ils ne comprennent pas encore. Il leur dit, c'est mon corps, c'est mon sang. Mais on sait, nous, à travers les Écritures, qu'à un moment donné, ils vont comprendre qu'est-ce qu'il est en train de lui dire, mais il prend le temps de leur dire. Donc, il prend le pain, il le sépare, il le partage avec eux. Il leur dit, ceci est mon corps, livré pour vous. Mangeons. Ensuite, il prit la coupe, la partagea aussi avec ses disciples en leur disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Buvons. Thank you. Prions. Seigneur, tu es grand. Tu ne cesses de nous montrer ta grandeur. Et Seigneur, je veux te remercier aujourd'hui parce que tu me donnes et tu nous donnes à nous qui sommes ici réunis. C'est un privilège, Seigneur, que tu nous accordes de pouvoir contempler ton amour. Mmh. Combien de personnes, Seigneur, sur cette terre ont ce privilège de te connaître, de contempler ton amour? Merci, Seigneur. Seigneur, dans le texte que Gaétan a lu, tu as dit qu'on était des aveugles. Et notre aveuglement nous empêchait de te voir. C'était pas le monde, c'était pas les belles choses de ce monde, c'est qu'on pouvait pas voir Dieu. Et tu nous as donné la vue afin qu'on contemple ton Père. On te remercie pour ça. Contempler notre Dieu, c'est notre raison d'être. Tu nous as libérés de la prison pour qu'on puisse te servir. Te voir, te servir, c'est ça l'amour. Puisses-tu être béni éternellement. Et ta parole nous dit que dans l'éternité, c'est ce que nous allons faire. Nous allons te bénir éternellement. Nous allons te louer, toi et l'agneau, éternellement. Et c'est à cause de ce que tu as accompli à la croix. Et nous avons été tellement longtemps dans l'ignorance de cet amour-là. Maintenant que nous la connaissons, donne-nous d'agir en conséquence. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Amen. Merci, François.